L'Italie encore et toujours, aujourd'hui, Dante, un chemin et un sommet. Dante va donc maintenant monter à travers les sphères célestes, puisant d'abord l'énergie nécessaire dans le seul regard de Béatrice. Et puis un moment viendra où Béatrice elle-même ne pourra aller plus loin. L'individuel cédera le pas devant l'universel. Dieu. Dante prononce rarement le mot. Il parle d'une lumière blanche, d'une tache vierge, vers laquelle tout converge, de laquelle tout procède, d'où souffle ce hasard et cette nécessité qui sont le mouvement de la vie. 650 ans après, le message reste possible. À chacun sa tache blanche. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Nous allons cheminer aujourd'hui dans la lumière de Dante jusqu'au midi et à la liesse du paradis en compagnie de Carlo Ossola. Bonjour. Bonjour, monsieur. Professeur au Collège de France qui va enseigner de nouveau Dante à Paris, place Marcelin Berthelot, à partir du mois de janvier. Mais nous sommes présentement au rendez-vous de l'histoire à Blois. Les rendez-vous de l'histoire célèbrent 1519, l'anniversaire de la mort de Vinci, mais il y a plus d'un anniversaire qu'il faudrait marquer, Carlo Ossola, d'une pierre blanche. Oui, en effet, nous avons cette année Léonard, et après il y aura Raphaël, là aussi la date de mort, et 21, Dante, qui meurt à Ravenne en 1321. Donc, nous avons là vraiment un sommet, vous venez de le dire, un sommet, mais aussi un long parcours. Peut-être en remontant de la Renaissance vers ce Moyen-Âge universel que Dante a si bien représenté. Alors, Carlo Ossola, je vous ai présenté comme un professeur au Collège de France. Le Collège de France, c'est l'enseignement pour tous. Alors, vous avez été un des pilotes des conférences que le Collège de France tenait à Aubervilliers, au temps de Jacques Ralite, et nous sommes ici, en public, à Blois. Il faut que vous nous disiez à tous et à chacun que Dante s'adresse directement à nous, et notre contemporain. Tout à fait. La longue durée de la renommée de Dante est due précisément aux grands interprètes du XXe siècle, le premier desquels, Ezra Pound, disait que la Divine Comédie avait été écrite pour « everyman », pour chacun et pour tous. Alors, Ezra Pound, au début du XXe siècle, a été le maître. Il conseillait vivement la Divine Comédie à ses deux grands amis, c'est-à-dire T.S. Eliot et Joyce. Et en effet, T.S. Eliot a suivi fidèlement, il est devenu un interprète important de Dante, et puis il y a eu Mandelstam, et puis il y a eu Borges, enfin, on peut dire que Dante est un auteur de notre siècle. D'autant... Mais avec vous, Carlo Ossola, pardonnez-moi de vous interrompre, on va, comme vous le recommandez, toujours monter vers l'arrière. Alors, je voulais vous faire dire un mot d'abord de la popularité de Dante en Italie, dont les premiers manuscrits de Dante, de la Divine Comédie, circulent dès les années 1330, enfin, peu d'années après oui, sa mort. Oui, et même avant, on a trouvé des documents de notaires. Vous savez, on ne peut pas laisser du blanc dans les pages des notaires, parce qu'on pourrait ajouter codicilles. Des codicilles indiscrets. Et alors, ces feuilles sont remplies par des vers de l'enfer de Dante, chez des notaires de Bologne. Donc, ça signifie que le texte de Dante, dont nous avons hélas aucun autographe pour l'instant, circulait en tout cas très largement. Et Dante est élu et connu, et surtout appris par cœur. Dante est aujourd'hui encore appris par cœur dans plusieurs régions d'Italie et même en Corse. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de faire venir au Collège de France des chanteurs a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement musical, de Corse, qui ont reproduit les rythmes, les mélodies de leurs ancêtres quand ils portaient, donc c'était des bergers qui portaient leurs troupeaux d'une partie à l'autre de la montagne, à l'intérieur de la Corse, et ils ont chanté ce chant 33, et je vous assure, les présents avaient les larmes aux yeux, la beauté infinie de ce chant qui ne cesse de nous nourrir. Les notaires, mais aussi les travailleurs, les ouvriers, ainsi que le souligne Giorgio Petrocci, qui a fait beaucoup pour l'œuvre de Dante. C'est un enregistrement de 1980. Il y a aujourd'hui encore des hommes qui ne connaissent pas autre texte de poésie que Dante, qui lit Dante continuellement dans la campagne, pas comme les ouvriers, les travailleurs. Je connais des gens de la campagne pendant la guerre mondiale. J'ai été officier et j'ai fait ma première expérience de professeur lisant Dante aux soldats. L'enfer? Oui, l'enfer, mais quelque chose aux yeux du purgatoire. Et j'ai trouvé des soldats qui ont acheté leur Dante pour les porter à la maison. Fini la guerre. Destiné à tous et en France. Beaucoup de traductions, parmi les meilleures, dites-vous. Oui, et nous sommes héritiers, d'une certaine manière, de la magnifique traduction de Lamennais. Il avait été persécuté par l'Église, il était désormais aux marges, il était devenu le député, en effet, du peuple. En 1848. Voilà, exactement. Et à partir de là, de cette condition en même temps d'anonymat et d'engagement, il commence la traduction de la Divine Comédie, qui est son dernier grand ouvrage. Et très récemment, quand je demandais à Yves Bonnefoy s'il voulait donner une préface à un ouvrage italien qu'il aimait, bien, il a donné une magnifique préface à la traduction Lamennais de la Divine Comédie. Puis il y a eu des dizaines et des dizaines de traductions, et aujourd'hui, la France est le pays de Dante. Du fait que vous allez dans n'importe quelle librairie, vous trouverez 5 ou 6 traductions présentes de la Divine Comédie. C'est une grande exception quand on compte... Quand on regarde les autres grands classiques, vous avez au plus 2 traductions présentes, imaginons 3, de Shakespeare. Alors que pour Dante, c'est déjà 6 ou 7, et avant 21, il n'y aura d'autres. Donc c'est un élément extrêmement important. Je reviens juste un instant, si vous le permettez, sur ces mots si touchants de Giorgio Petrocci. Parce que c'est vrai que... peut-être pas entièrement, mais des vers et des phrases sont devenus comme des apophthegmes, des dictons, des proverbes dans la langue courante italienne. Donc, Dante a vraiment marqué le langage ordinaire de chacun. C'est une traduction de Jacqueline Risset qu'on va entendre dans un instant. Jacqueline Risset, élève de Lucienne Portier, traductrice elle-même de la Divine Comédie, et qui était élève d'Henri Pézard, lui-même traducteur de la Divine Comédie. Il y est question du grand amour de jeunesse de Dante, parce qu'il faut qu'on dise quand même un mot de sa vie. Et bien, tout dans sa jeunesse se résume dans le personnage de Béatrice, l'amour qui fait noble le cœur, qu'il a rencontré à Florence à l'âge de 9 ans et qu'il a retrouvé 9 ans plus tard. 9 fois déjà, après le temps de ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque à un même point dans sa révolution, quand à mes yeux apparut pour la première fois la glorieuse dame de ma pensée, laquelle fut appelée Béatrice, par beaucoup qui ne savaient ce que c'est que donner un nom. Elle avait déjà passé en cette vie juste le temps que le ciel étoilé met à se mouvoir de la 12e partie d'un degré, si bien qu'elle m'a paru vers le début de sa 9e année, et que je la vis presque à la fin de mes 9 ans. Alors l'évocation de la première rencontre, l'évocation des retrouvailles, l'évocation de la mort jeune de Béatrice obéissent à toute une symbolique, s'en est allée Béatrice au plus haut des cieux, dans ce royaume où les anges ont paix. Parce que le passage à l'autre vie de Béatrice est une chance pour Dante, d'une certaine manière. Oui, lui, il écrit et promet qu'il consacrera une bien meilleure ouvrage à cette dame. Donc la Vita Nova, la vie nouvelle, n'est que le commencement, un incipit, comme il dit au commencement, un incipit d'une louange qui va continuer pour toute la vie de Dante, notamment la Divine Comédie, qui est écrite en exil à partir de 1306, même si la mise en scène est faite sur l'année du jubilé, c'est-à-dire l'année 1300, mais Dante écrit après, et il termine le paradis, à propos de paix, hein, que vous évoquiez, à Ravenne, dans les mosaïques de cet or éternel qui figure dans les textes, dans les chants de la fin du paradis. Vous avez parlé d'exil, parce qu'il a participé pendant quelques années, les années 1295 et suivantes, à la vie politique tumultueuse, batailleuse de Florence, et ça lui a coûté cher. Ça lui coûtait cher. Il était priore, c'est-à-dire l'un de ceux qui gouvernaient la ville de Florence en l'année 1300. Il va à Rome pour une ambassade auprès du pape, mais il ne peut plus rentrer parce que, entre-temps, la ville avait changé de parti. Et son exil dure après toute sa vie, donc de 1300 à 1321. D'abord à Vérone, parce qu'à Vérone était le siège du représentant de l'empereur, Henri VIII de Luxembourg, auquel Dante reproche de mettre le siège à Pavie et ne pas de mettre siège à Florence, qui est le lieu pestiféré qui pollue toute la chrétienté. C'est dans une épître adressée à l'empereur. Et puis il termine ses jours à Ravenna. Et je crois que la Divine Comédie a cet grand avantage. C'est un poème qui réunit l'héritage occidental de la chrétienté à l'héritage oriental à Byzance. C'est l'un des grands poèmes où nous avons les deux éléments unis, parce qu'on ne peut pas lire la fin du paradis surtout sans avoir à l'esprit ces mosaïques de pureté éternelle qui sont à Ravenne et ailleurs, mais tout spécialement à Ravenne. C'est donc l'individu Dante, amoureux de Béatrice, exilé de Florence, jamais je ne retrouverai le beau bercail où j'ai dormi agneau, mais aussi le porteur de tout un héritage sédimenté de l'ensemble de l'humanité, parce qu'il n'y a pas que les Byzantins et les Romains, il y a les Juifs et les Gentils, tout aussi bien, qui va commencer son chemin, et ce chemin va l'éloigner de la petite surface querelleuse de Florence. Vous avez voulu à cet instant, Carlo Rossola, avant qu'on entende le début de l'enfer, que nous écoutions Liszt, disciple de Lamennais, qui avait écrit une symphonie autour de Dante. Tout à fait, c'est l'un des grands moments, je dirais, de la réception de Dante au XIXe siècle. Il y a bien sûr les peintres, les pré-raphaélites, comme on les appelle en Italie, donc à partir de l'Angleterre jusqu'à la France. Il y a les grands écrivains français. Le succès de Dante en France est notamment dû à Balzac, les proscrits de Balzac à Victor Hugo, etc. Et puis il y a la musique. Je crois qu'il y a beaucoup de textes autour de Dante, les rimes, la Vita Nova, mais ce poème de Liszt est en effet un accomplissement de la réception de Dante au XIXe siècle. Il y a la même puissance du poème et aussi, je dirais, la douceur de quelqu'un qui aime cette dame. Mais on peut l'écouter, je crois que... Busoni, la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Sinopoli. Nous sommes donc au premier verset de l'enfer quand commence le parcours de Dante. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Dans le milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais en une forêt obscure, car je m'étais égaré, hors de la voie droite. Ah, quant à dire ce qu'elle était, ces choses ardues, cette forêt sauvage et âpre et forte, dont le souvenir renouvelle mon effroi. Elle est si amère que la mort l'est peu davantage. Je ne sais redire au juste comment j'y entrais. Et voici, presque au début de la côte montante, une panthère légère et très rapide. Elle ne s'en allait point de devant mon visage. Mais au contraire, elle empêchait si fort mon chemin que plus d'une fois j'eus le désir de revenir sur mes pas. Quand je vis apparaître un lion, celui-ci semblait venir à ma rencontre, la tête haute et avec une rage affamée, si bien que l'air même en paraissait épouvanté. Et une louve, qui de tous les désirs semblait chargée en sa maigreur. Et déjà, à cause d'elle, beaucoup de gens eurent vie misérable. Le trouble que cette louve me donna m'apesantit à ce point que je perdis l'espoir de m'élever plus haut. Pendant que je retombais tristement en ce lieu inférieur, à mes yeux, quelqu'un s'offrit, dont par un long silence, la voix paraissait éteinte. Aie pitié de moi, qui que tu sois, ou ombre, ou homme réel. Homme. Non, je le fus. Autrefois, je vécus à Rome sous le bon Auguste. Poète, je fus. Pitié de moi, lance Dante et Michel Hermant. Et, vous avez reconnu la voix d'Alain Cuny, c'est Virgile qui va être le guide de Dante. Oui, c'est une réalisation, pardonnez-moi, de Michel Tréguer, avec une traduction un peu patchwork et une musique concrète un peu éloignée de Liszt, mais c'est bien l'effet de contraste Dante de tous les temps. Tout à fait. Alors, c'est l'une des grandes inventions de Dante, le fait de prendre comme guide, non pas un chrétien, il aurait pu prendre un apôtre. Saint Paul avait fait le voyage au ciel. Il aurait pu prendre un grand théologien. Il les trouve au paradis. Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Saint Dominique. Non, il prend le grand poète de l'époque classique, le poète qui a célébré Rome, qui a célébré, je dirais aussi, la civilisation de Rome. Et nous devons, en effet, nous interroger sur ce choix. Tout premièrement, évidemment, il s'agit d'un éloge de la poésie. Dante est théologien, est philosophe, est historien, mais surtout, il est poète. Et d'autre part, il se donne une tâche importante, presque une tâche virgilienne, fonder une nouvelle Rome chrétienne qui prend l'héritage de Rome classique et la remplace, pour ainsi dire, au moins avec la même durée. Donc c'est un poème qui veut imiter le rôle poétique et le rôle politique de l'Énéide. Mais dans les enfers, le guide est un païen et le pape fait partie de ceux qui sont condamnés. Comment traduiriez-vous ce qu'il dit de Boniface VIII, cette crevure de Boniface VIII, le pape auprès duquel il avait été au nom de Florence en ambassade? Oui, ben, il y a plusieurs papes qui sont condamnés. Boniface VIII, évidemment, est celui qui attire toute la, je dirais, l'esprit de revanche de Dante. Mais il faut dire aussi, très curieusement, que Dante met en scène son poème dans l'année 1300, c'est-à-dire le jubilé qui fut lancé par Boniface VIII, conscient du fait que les chrétiens auraient pu de moins en moins arriver jusqu'à Jérusalem. Alors il dit, ben voilà la nouvelle Jérusalem. Et Dante, à un moment, il dira dans son poème, je célèbre ce Christ qui fut romain. Donc, il prend, en réalité, Christ ne fut jamais romain, mais il prend, je dirais, au pied de la lettre, le message de Boniface VIII. Donc, il y a en même temps, je dirais, la damnation de l'homme, mais la réception de l'héritage laissé par ce geste assez surprenant de Boniface VIII. Autrefois, le voyage était surtout, le grand rêve, c'était de mourir ou d'être pris, élevé au ciel à Jérusalem. Avec Boniface VIII, le siège fondamental devient Rome. Alors, on peut imaginer que la lecture de Dante est laborieuse, mais pas du tout. Le chemin qui mène de l'enfer au purgatoire, puis au paradis, c'est vigoureux, c'est parcouru très rapidement, en peu de jours, par le narrateur. Un mot du purgatoire, c'est un des inventeurs du purgatoire, et il a eu l'idée, parce que son imagination visuelle est géniale, de mettre le purgatoire sur les pentes du paradis. Oui, il y a un double rôle du purgatoire, comme Jacques Le Goff l'a bien remarqué. Et Dante, à mon avis, permettez-moi de le dire, fait sortir définitivement la chrétienté de cette tentation constante du manichéisme. Le bien ici, le mal là. Dante met au centre le purgatoire, c'est un lieu intermédiaire qui a de l'enfer, parce qu'il y a la purgation des péchés qui sont là, reproduits exactement comme dans le puits de l'enfer. Du reste, le purgatoire, n'oublions pas, est la montagne qui, de l'autre côté de la planète, se crée du fait que Lucifer, en tombant des cieux, déplace énormément de terre. Donc, d'un côté, il y a le puits de l'enfer, mais de l'autre côté, il y a la montagne du purgatoire. Donc, c'est une participation de cette espèce d'économie, et je dirais même de la terre déplacée de l'enfer, mais c'est surtout une préparation au paradis. Et quelle est l'invention sublime de cela? C'est le fait de placer au sommet du purgatoire le paradis terrestre. Le paradis où Virgile va céder la place de relais à Béatrice. Vous vous souvenez que Béatrice, c'était le grand amour de Dante jeune, qu'il avait fait le deuil de cet amour parce que c'était le salut de Béatrice. Il va entendre son nom prononcé au paradis à la fois par Béatrice et par Adam. Ouvre les yeux, dit-elle, et regarde la vérité. Tu as vu de telles choses que le pouvoir t'est venu de soutenir l'éclat de mon sourire. Ô femme, en qui mon espérance fleurit, qu'il m'ait été donné de voir tant de choses, je le dois à ta puissance et à ta bonté, dont je reconnais la grâce et la force. Tu m'as, d'esclave que j'étais, appelé à la liberté, par toutes les voies, par tous les moyens que tu avais en ton pouvoir pour le faire. Dès cet instant, ma vision se fit plus haute que notre langage qui cède devant de telles contemplations, et défaillante se fait la mémoire devant tant d'excès. Ô souveraine lumière, toi qui t'élèves tant au-dessus des concepts mortels, à mon esprit prête encore un peu de ton incomparable éclat, et donne à ma langue assez de puissance pour qu'une étincelle seulement de ta gloire je la puisse léguer aux races futures. Vous êtes comme nous tous au rendez-vous de Blois, Carlo Ossola. Vous voyez la méditation là, de notre public quand il entend cette traduction. Comme s'il y avait une attente d'un élargissement. Parce que c'est ça le paradis, c'est l'élargissement. Et vous utilisez le verbe « enfuturer ». Enfuturer. C'est Dante qui l'utilise, « sin futura ». Et là, vous avez deux éléments que vous avez évoqués, l'élargissement, je dirais même l'épanouissement, parce que l'image que Dante utilise pour montrer comment les bienheureux sont placés au paradis, c'est la rose. La rose qui s'ouvre, et à l'intérieur de chaque pétale, il y a les différentes classes de bienheureux. C'est un poème qui s'ouvre verticalement. C'est le premier grand poème vertical de tout l'Occident. Avant, il y avait les voyages, mais c'était des voyages par terre. Alors que là, c'est un voyage totalement vertical du fond de l'enfer au sommet du paradis. Et Mandelstam, comme ça nous venons à Sans Futur, oui, russe, l'a très bien dit. Il a dit, la Divine Comédie est un poème toujours au futur. Et il a même utilisé l'image d'une fusée qui avance de plus en plus vers le haut et en perdant les stades précédents qui sont brûlés par la chaleur et l'énergie du poème, augmente sa vitesse et augmente sa direction. Le seul grand poète du XXe siècle qui a su reprendre cette image a été Paul Celan, quand il a dit « Eh bien, j'écrirai des vers au nord de l'avenir ». Voilà, moi je dirais que de Dante à Celan et Mandelstam, bien sûr, il y a cette espèce d'élan vertical. Oui, il faut avoir aussi le pas d'homme de montagne, comme Mandelstam le disait. Parce que c'est dur, mais il faut grimper, il faut monter, et après il y a cet élan qui vous mène dans la rose éternelle. Vous nous avez mis dans la dilatation et presque dans la joie déjà, Carlo Ossola. Merci à vous. Je fais le générique de l'équipe de la Marche de l'Histoire qui nous a accompagnés. Audrey Ripouille à la réalisation, Elinka Negulesco à la préparation. Fabien Gosset, Mathieu Leroy, Marcos Darzac, Jean-François Georges, Daniel Louison sous la conduite de Franck Malabry. C'est l'équipe de Radio France au rendez-vous de Blois où vous faites une conférence, Carlo Ossola, demain au château, demain matin. Et puis je recommande votre introduction à la comédie humaine. C'est aux éditions du Félin, et un petit livre très précieux qui n'est pas dans la largesse, mais certainement pas dans l'étroitesse, L'éloge des vertus de l'ordinaire, aux éditions des Belles Lettres. Merci à vous. Merci beaucoup.